Dernièrement, je voyais des gens, ils parlent de l'homme nouveau dans des commentaires liés à des vidéos liées à moi. Puis là, ça parlait de l'homme nouveau va être comme ci, l'homme nouveau va être comme ça. L'homme involutif actuel est comme ci, il est comme ça. L'homme nouveau va être comme ci, va être comme ça. Moi, ça, je suis plus capable. Ben, à mes yeux, considère maintenant que c'est un piège des choses comme ça. L'affaire l'homme nouveau, là, ça sert à rien d'en parler. C'est inutile. Je veux dire, le concept est inutile. C'est des vieilles choses. L'homme nouveau, c'est vieux, vieux, vieux. On voit ça, même lors du temple solaire, il y avait dans le temps des fascicules l'homme nouveau. C'est lié au mythe de l'homme solaire, dans le fond. L'homme nouveau, c'est vieux. On voit ça chez les vieilles sectes allemandes puis autrichiennes. On voit ça chez les Britanniques comme de raison. Pourquoi est-ce que le supramental, comme Aurobindo, pourquoi c'est lié à l'évolution? Ben parce qu'Aurobindo, il étudie en Angleterre, il a rencontré Darwin, il est venu à bout au niveau de sa spiritualité d'hindou, d'assimiler ça, puis d'en faire son langage aussi, puis aussi d'essayer d'avoir une vue qui est un syncrétisme au fond. Le problème avec ça, c'est que ça aboutit toujours à l'eugénisme. Ces groupes-là ont toutes quelque chose d'eugéniste. Même la gang de Kellogg, là, de Battle Creek, là, la gang, la cosmogonie d'Urantia, l'autre gang, c'est des eugénistes. C'est des eugénistes. La cosmogonie d'Urantia, il y a un discours eugéniste dedans. Bernard de Montréal, il y a un discours eugéniste. Il y a un discours eugéniste, Bernard de Montréal, qui est en accord avec ces histoires-là d'hommes nouveaux, puis d'évolutionnaires, puis de sélection, puis de... Le problème, c'est que ça rentre totalement en contradiction avec une autre vue qui est plus ancienne, qui est celle, au fond, sur laquelle était basée notre société. Donc, là, il y a un conflit. Là, il y a un conflit. Puis c'est irréconciliable. Qu'on le veuille ou pas, comment voulez-vous concilier ça? Ça se peut pas. C'est impossible. Puis à date, je vois pas d'évolution, moi, là. Je vois pas d'hommes nouveaux à l'horizon, surtout pas ceux qui pensent qu'ils sont. Des pires. À un moment donné, il va falloir faire un choix parce qu'on n'a pas le choix, justement.